sentir dans le cœur, ça devient mouvement partout le corps. Je pense qu'il y a aussi quelque chose des Africains. La salsa es un ritmo contagio que lo disfruta todo el mundo, para bailar, para gozar. Dans la salsa, il y a été mélangé beaucoup de rythmes, le merengue, son, il y a tout ça qui devient la salsa. La samba, le merengue, el son, el flamenco. Se disfruta mucho en grupo, carnaval, tipo los carnavales del Brasil, Cuba. Tú empiezas a bailar desde las 8 de la mañana hasta el otro día a las 8 de la mañana. Continúa tomando, festejando con tus amigos, con tu esposa, con tus amistades queridas. Se disfruta mucho. La orquesta de Dios de B, Pablito FG, Ramita Social Club, Omar Portuondo, Compay Segundo, Presidente Monguemor, Elías Ochoa. Je m'appelle Linda, j'aime l'émission spéciale salsa. Ciao Burundi, io mi chiamo Valeria, per gli amici Mumu. Je m'appelle Valeria, pour les amis Mumu. Je suis italienne, je viens de Naples, mais ma deuxième maison c'est ici, au Burundi. Et ma troisième c'est la radio Isanganiro. J'écoute toujours la transmission salsa de Christian Xavier, elle est super. Ciao, bisous. La salsa es una sauce disfruta mucho, tipo Carnaval do Brasil, a todo mundo que escucha l'émission spéciale salsa. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez, ou le moment choisi pour suivre cette émission que vous ne trouverez nulle part ailleurs qu'à la radio Isanganiro. Eric Wimanava sera la mise en onde aujourd'hui. Aujourd'hui, ça sera spécial salsa au carré. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous allons balancer rien que de la musique burundaise, version bien sûr salsa. Pour commencer, nous allons écouter une chanson intitulée Noblesa. Noblesa, c'est une chanson composée et produite par le groupe de danse salsa de Bujumbura, la Noblesa. Et ça va chauffer, ils vont chanter en espagnol, en anglais, en kirundi, en français et en swahili, bien sûr, puisque nous sommes dans la communauté East African. Voilà, on remonte au volume et dit... Señoras y señores, y aquí está la salsa, la nobleza, es por nuestro querido de la danza gringo, escucha. Bailamos, nos damos cariño y llena, somos leña, mismo fuego y la voz, mismo canción. Lo que hablamos, cantamos, lo que lleva en el corazón, cosas que somos siempre fieles, pero en mi mente no la luz. Canta la cora nobleza, canta y vi la vida loca, nuestro curado la cabeza, es una danza romántica. Canta la cora nobleza, canta y vi la vida loca. Température sourire. Voilà, on écoute toujours les danseurs de danse salsa, bien sûr, de Bujumbura, qui se sont mis ensemble pour sortir cette belle mélodie qu'on appelle Ven Bailar. Son repos. Très bon danseur salsa. Ven Bailar con la nobleza. Ven vivir la vida. No es no locura de la cabeza. Es una danza romántica. Nobleza, ven vivir la vida loca. No es locura de la cabeza, es una danza romántica. Ça c'est le swahili. Sasa oni chasi azako. Sasa ya chezo apopote. Voilà. Et vers la fin, ils vont commencer à danser parce que ce sont des professionnels de la danse. Ils l'ont fait plus de 10 ans. Certains sont devenus des papas et d'autres des mamans. Voilà, c'est à Bujumbura. Et là, ils vous invitent à aimer cette son style ou cette mélodie qu'on appelle la salsa. Donc viens danser avec la noblesse, c'est pas de la folie qui vient de la tête, mais c'est un rythme qui touche le cœur. Sunna Dansar, c'est une danse romantique, romantica. Ben, que la température s'ouvre, escucha. Somos siempre romantica. La noblesse est toujours romantique. Si vous voulez danser la salsa, il faut être romantica. Que la température s'ouvre. A la playa. Playa Tanganyika. Mira. Voilà, il y avait Lionel. Il y avait les Mike, il y avait les César et les autres. Voilà, c'est juste pour marquer, pour réussir le début de cette belle émission, une introduction réussie avec... Avec ce rêve exécuté par le club La Noblesse, comme je disais. Et si on a dansé romantique la salsa, que la température s'ouvre, s'ouvre. Ils vous invitent à rejoindre leur club. Maintenant, ils ont repris, ils sont au coffret bambou. Après plusieurs années, à la Havana, à la boîte Havana de Bujumbura, à l'endroit s'appeler... Évasion, ils ont été là les premiers mois, les premières années. Voilà, on enchaîne avec une autre chanson. Del Maestro Maisha, qui nous parle ici de ne plus s'intéresser à la guerre. La guerre est mauvaise. Acha Vita, c'est version Swahili. Avec El Maestro Maisha, qui maintenant se trouve aux États-Unis d'Amérique. Il a évolué ici. C'est un Burundais. Écoute ça. Maisha yangu, watu kila siku wangaika, wakikimbizwa na vita, wanakosa chakula. Et là, il nous raconte toutes les conséquences de la guerre. À la fin, il y a la fuite, il y a les évasions, il y a les migrations. Acha vita, bastante la guerra. Laissez la guerre. La guerre est mauvaise. Vita ya tesa watu, watoto wengi kuwa yetima, wengine wengi masikini, wanafia wasilojua, huzuni moyo ni mwangu yoyo. Vita ni mbaya, acha vita we, acha, El Maestro, Maisha, acha vita ni mbaya. Yes. El maestro Maisha, vita ni mbaya. Mama. Mama Africa. Maria Makeba. Hasta siempre. Mas. Hasta la victoria la siempre. La lucha continúa. Arriba todo el mundo ensemble. La lucha continúa. Contra la guerra. Continúa. La lucha continúa. Continúa. La lucha continúa. Continúa. La lucha continúa. Continúa. La lucha continúa. Continúa. Acha wewe. Tumechoka. Acha ni vita. Voilà, on enchaîne avec une chanson qui complète celle-là. Après avoir écouté Maisha qui nous défend à... Non, Eric, c'est la chanson Nimuze qui pourrait, voilà, compléter celle de Maisha. Voilà, Maisha nous défend à aimer la guerre. Il dit qu'il parle des problèmes de la guerre. Et là, Willy Wizeye nous propose des solutions. Il dit, il faut me mettre autour d'une table... et parler de différents. Écoute ça. Une chanson que vous avez admirée. De la vraie salsa. Et on frappe très fort. Twist. Écoute ça. Aha. Kandu mutkumwe. Niwegirina. Ururimi rumwe rugiriki. Ça c'est le grand Willy Wizeye. Il se trouve également à United States of America. Il a été à l'église vivante. Il a frappé fort. Kandururimi rumwe rukamwayera. Ça c'est bien sûr Willy qui continue, voilà. Et ça chauffe à la radio Sagadilo. Et on trouve les machines. Et Eric va essayer de tout faire pour qu'il débloque ce qui a été bloqué. Igihe niki abonserime bicara hamwe bagatera biri bakayaga bahusa kubibabakiye nyumviriza nkumvirize kuko imitwe ikora ikoranye umunsi n'uyu nacushaka yoho cuti Nande mwibutse nyemerera tuyage umusinuyu kandi nimbone karimwe umusinuyu kandi bigiye nama Thank you. mugani hara owa wiwa gie jange owa wirenga gije vuga nawe turagukene vuga nawe seruri byumviro kumuri kizovuga izova mwinyishu nega biri gutega yandi kumvikane autour d'une même table pour parler de nos différends. Tout le monde est invité. Voilà, à vous parler. Comme Maïcha El Maestro vous a invité à laisser à abandonner plutôt l'idée de guerre. Willy renforce l'idée, il dit, parler de vos différends. Vous allez trouver des solutions et des réponses. C'est toujours la salsa à la burundaise. Nous allons écouter rien que de la musique burundaise version, bien sûr, salsa, que vous ne trouverez nulle part ailleurs qu'à la radio Isanganiro. Ça va chauffer, les amis. Et restez branchés, restez sur le fréquent de la radio Isanganiro, le grand maestro. Savio Mungwa, Savio Muzukuru, Savio va continuer à vous faire de la bonne musique. Ah ouais, écoute ça. Valeria, per gli amici Mumu. Je m'appelle Valeria, pour les amis Mumu. Je suis italienne, je viens de Naples, mais ma deuxième maison c'est ici, au Burundi, et ma troisième c'est la radio Isanganiro. J'écoute toujours la transmission salsa de Christian Xavier, elle est super. Ciao, bisous. Bafashe, bafashe, bafashe, ninga twese. Ah, vamos. se va gufata Nishiga rimwe dutyandika Niwifatanye n'abandi Mukujya mu mashirahamwe Ijuki ikorwa iterambere Kugira uroranirwe mu buzima Abamugaye n'ibiremwa Bakeneye kwisanzura kugira umuryango hari byinshi bakora Badakome badakora Abamugaye n'abantu nk'abandi Tubafashe tubafashe tubafashe Inga twese Abamugaye n'abantu nk'abandi Tubafashe tubafashe tubafashe Uyungana n'umugisha wawe kuko Ufumba ugihema Nuhe bicho kibondo Dikene Kuba honga bandi Kwigano kitabda Ibutire kumuchana Mubigo bihogura Bafisumunga Bizo mufasha Kushogora kujenda Itanduka ye Mukindero iwasi respecter les handicapés. Il dit Abamugaye n'abanungatwe. Donc les handicapés ont le même droit comme nous. Nous avons plutôt le devoir de les respecter. C'est toujours la version Sarsala burundaise. On invite tous les artistes burundais à s'intéresser à ce rythme ou à ce style de musique qu'on appelle la salsa. Vous aurez droit à une promotion à la radio Sanganiro. Yep. Et voilà. Nous allons écouter deux superbes voix féminines et vous allez choisir une. Elle s'appelle Riziki. La chanson, vous la connaissez. Akubana Numubeshi Wogiriki. Akubana Numubeshi. Elle s'appelle Riziki. Elle va chanter. Elle a une superbe voix. Et après elle, ça sera une autre, Pascaline. Et vous allez choisir la meilleure des deux. Écoute ça. Ushauli Wango. Ça va chauffer. Écoute ça. Dada yangu sikia. Ushauli Wango. Uyomme wako. Ulipo muona. Nyamara ya kwanza. Nazani alikuzushia. Tena ni wewe mwenyewe ndiye uliye mkubalia. Hayo wanayo yasema. Nazani wanamzushia. Kitu na kushauri. Wewe zidi kuvumilia. Mambo ya watu acha. Acha kuyasikia. Kwani ukiyasikia utakuwa kujutia. Ekuta. Wapambeni wangi. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ça c'est la radio Sangareo. Awataki yolele. Wanapenda wasikie. Elle a une superbe voix, n'est-ce pas? Romana wanazidi. Wachonganisha. Ili wapate nini? Ili wapate. Kuwatenganisha. Awataki yolele. Et ça va chauffer la radio Sangareo. Wanapenda wasikie. La salsa es una salsa disfruta mucho tiempo carnaval de Brasil. Aquí watch. Upe. Aquí watch. Mundo bonito y chanire mundo irá vugar. Vengo tira gache, mana wama. Mundo bonito y chanire mundo irá vugar. Guiavanu, vafuga mexi. Mundo bonito y chanire mire mire mire mire mire mire mire mire mire mire mire mundo irá vugar. Urara vaneza ni vado sambo. Naomba usinilaumu wala usinishutumu mabaya rafiki zako mimi ninayafahamu. Watakuchonganisha na mume wako, wakutenganishe na watoto zako. Hiyo yote ni kukupotezesha heshima yako. Nikikuambia nani zarau, nani chukia, naniona sifa. Jenda fugasi mbura, harikonda hanura. If you see na mananiza woshaka wokuitona. Wapambeni wengi hapa kwa hii dunia. Labda wanataka waharibishia. Hawataki kuole. Wanapenda usiki. Meacha. Tumana wanazidi wachonganisha ili wapate kuwatenganisha. Hawataki yolele. Yolele, ça c'est la superbe voix de Riziki. Maintenant se trouve à Bruxelles en Belgique. Elle continue à créer, à produire et à sortir d'autres chansons. Vous allez comparer avec Pascaline Mwamini. Voilà. Aïtwe Mungu. C'est la fille de Kibamba ou Kibamba, la sœur de Marc Kibamba et Christian Kibamba. Toute la famille est faite par des artistes, musiciens, chanteurs. Écoute ça, on y va. Aïe, Mungu. Milele na milele. Milele, milele. Entre Lizik et Pascaline, quelle est la meilleure? Vous allez écrire un SMS ou un message WhatsApp sur le 76 209 140. Eric, on diminue un peu de volume. Je dis, vous avez écouté Riziki, vous êtes en train d'écouter Pascaline Mouamini. Vous allez comparer les deux superbes voix et me dire quelle serait la meilleure des deux entre Pascaline et Riziki. C'est sur le 76 ou 76 209 140, SMS ou WhatsApp, le message sur WhatsApp. Et me dire, c'est là et la plus forte. On écoute ça, Aïte Mungu. Aïte Mungu, milele, milele. Kinywa changu, kitaja sifa zake. Ananivika na nilisha, ananiponya na nilinda. Shida na kuona wayajali maisha yangu. Aitwe Mungu milele milele. Kinywa changu kitaja sifa zake. Ananivika na nilisha, ananiponya na nilinda. Nakupenda, elle s'appelle Pascaline Mouamin. La chanson s'intitule Aïtoué Mungu. Aïtoué Mungu. Aïtoué Mungu. Aïtoué Mungu. Aïtoué Mungu. Waisaka. Aïtoué Mungu. Aïtoué Mungu. Mouamini. La fille de Kibamba wa Kibamba. Une famille bénie. Certains sont des pianistes, d'autres solistes et d'autres bassistes, d'autres batteurs et d'autres chanteurs, d'autres qui font du backing comme on dit. Une famille bénie. Donc, entre Pascaline et Riziki, la meilleure c'est qui? 76 209 140, vous donnez la réponse. SMS ou WhatsApp. Ça c'est Bernice. Une nouvelle chanson. Une chanteuse de Karusi. Écoute ça. Écoute ça. Abanga, kazoza kimikango. Wow, ça chauffe. Bertiani bokazoza kigugu. Bakwiye kubahirizwa mateka yabo. Bakwiriye kukingigwa. Eric, n'est-ce pas que c'est profond? Cette chanson a un grand message. Il faut écouter. Elle s'appelle Bernice Siladukunda. Elle vient de frapper très fort dans une compétition qui a eu lieu au centre du pays. C'est plus précisément à Gitega. Et elle est là. Nous avons promis à tous ces Burundaises ou Burundais qui s'intéressent à ce style de musique qu'on appelle la salsa de sortir d'autres chansons. Ils auront, elles ou elles auront, droit à une promotion plus poussée, accentuée. On vous encourage alors à sortir des chansons version salsa. La radio Sanganiélo va vous servir, c'est promis, juré, craché. Donc, je demanderai Eric Ouimana de remettre la totalité de cette belle mélodie pour le plaisir de ceux qui écoutent. Merci Eric. On reprend la chanson. Écoute ça. Abanga, kazoza kimikango. Betsani bokazoza kigugu. Bakwiye kubahirizwa mateka yabo. Bakwiriye kukingigwa amabi yose. Abanga, bikazoza ku Burundi. Tenni boca zoza capica ma qui e coro heresco di mabavo ma qui rie kingi qua e vini piose o anga do cura agagi mi tabu tu je a me ram duram neni mitzi chonni mi genzo mi vi chinisa gate kaka. Somero bakajanwa gukoreshwa ibikogwa bibarengeye bari biteze kusomera none bararumanga ubuzima bwabo burabangamiwe abo bakajanwa kubaka hataragera pao wiki kwa magara yabo abangamiwe Timoshaye, shashari tiza. Beka katoto kabo, katoba kahe. Kopuba kimbama, katoba kimbi. Tuje amwe, turandurane n'imitsi. Chonni migenzo mibi, chinyiza gateka kabanga. Tuje amwe, turandurane n'imitsi. Kenzo mibi chinyiza gateka kabanga. ubwira bwabo kugira amagara meza kugira imbero nziza yo yo yo n'uburenganzira bwabo gutorana ibyo muryango kurerekwa mu muryango n'uburenganzira bwabo paparara parara parara Écoutez ces belles mélodies, ça c'est le grand-père de la gospel music, Apollinaire, qui chante. Non, c'est Fabrice. Apollinaire va venir après. C'est trois chansons de gospel music qui changent. Il parle du gospel, version salsa bien sûr. On aura droit à trois chansons gospel. La première canción que vous êtes en train de suivre, c'est Fabrice. Il y aura Fortran qui va chanter Araje. Et après, il y aura Asali Anyuki, du grand-père de gospel music qui s'appelle Apollinaire, bien sûr, de chez Mesa Music. Et là, nous allons clore l'émission. Christian Xavier en profite. Eric, en diminuant un peu de volume, je vais dire à tout son monde qui aime beaucoup plus écouter, que je vais devoir, je ne reviens plus, hein. Je vais vous laisser savourer les trois chansons et après il y aura, on va clore. Et j'en profite pour dire, bon, je vais voir s'il y a quelqu'un qui aurait écrit un SMS ou le WhatsApp et répondre plutôt, parler de son message. S'il n'y a pas, on continue à écouter et on clore l'émission. Mais s'il n'y en a pas, plutôt s'il y en a, je vais lire les SMS. Muni acheni imbe, muni acheni sifu, muni acheni cheze nam cheze a Mungu wangu. Alleluia. Yesu ni bwa. Voilà, il y a les messages là. Quelqu'un a écrit Pascaline. Il n'a même pas mentionné son nom. Il a écrit Pascaline. Donc, lui ou elle a choisi, bien sûr, Pascaline. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui a écrit la plus forte Eriziki. Lui aussi n'a pas donné son nom. Je vais voir s'il y a un autre. Je crois pas. Ça, c'est pour les messages WhatsApp. Je vais voir si les SMS. Les SMS, c'est qui? Il n'y en a pas? Je crois qu'il n'y en a pas. Voilà. Eric, on reprend la totalité de toutes ces chansons et on va terminer en beauté avec des chansons gospel music. Eric, on reprend toutes les chansons et on termine. Voilà, c'est la fin. Nous allons devoir écouter les trois mélodies qu'on vous a choisies, gospel music,

ati uyu mama yaje aje kukuriki igihugu mukaga kuko Yesu atanga amahoro amava ku mana nyene ari ukizi igihugu cy'uruzi mukuba ati uyu mama yaje aje kukuriki igihugu mukaga kuko Yesu atanga amahoro